I'd like to conclude what I started to speak about yesterday. Yesterday, I began to speak about the types of effort, the levels of effort that one needs to make in the practice, the three levels of effort that constitute ardent effort, or atapa. Je voudrais conclure mon enseignement d'hier qui portait sur les trois types d'efforts, sur les trois niveaux d'efforts que le méditant va devoir fournir dans la pratique. Je vais donc poursuivre et terminer mon enseignement d'hier. Il avait été question des trois niveaux d'efforts que le méditant allait devoir fournir. Trois niveaux d'efforts ardents, atapa. Le premier, c'était l'effort initial, c'est l'effort que le méditant doit fournir au tout début. Le deuxième, c'est l'effort persistant, nekamadatu, l'effort que le méditant va devoir fournir, après quelque temps déjà ici au centre, pour surmonter l'ennui et les douleurs physiques. Enfin, le troisième type d'effort, c'est parakamadatu, l'effort progressif qui va permettre au méditant de franchir successivement toutes les étapes de connaissance et réaliser son but. Je voudrais également parler des facteurs dont doit disposer ce yogi s'il veut être certain d'atteindre Nibbana. Le Bouddha a dit « Celui qui ne fournit pas l'effort d'observer sans interruption tout ce qui se manifeste à chaque instant à l'intérieur de lui, à commencer par les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, un tel yogi va demeurer dans la misère, parce que son esprit sera constamment envahi par les impuretés mentales, les kilesas. Par contre, celui qui fournit l'effort d'observer sans interruption tout ce qui se manifeste à l'intérieur de lui, à commencer par les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, un tel yogi va développer le courage. En conséquence, sati, l'attention, et samadhi vont se renforcer. Un tel méditant détient alors cette qualité d'effort, l'effort développé. Et il va demeurer heureux, quelle que soit la posture à laquelle il se trouve. Il est heureux en posture assise, il est heureux en marche, il est heureux debout et il est heureux allongé. Ce bonheur qu'il expérimente est dû au fait que son esprit est protégé des kilesas, des impuretés mentales. Lorsque la douleur se manifeste en cours de méditation, la première attitude consiste à l'observer dans l'espoir qu'elle va disparaître. Ce n'est pas une bonne attitude. La deuxième attitude consiste à l'observer avec colère. Ce n'est pas non plus la bonne attitude. La troisième attitude consiste à observer la douleur tout simplement dans le but de comprendre sa nature. C'est la bonne attitude. Si nous procédons ainsi, nous allons développer la patience et la détermination et élever notre seuil de tolérance. Mais si notre seuil de tolérance est faible et que nous prenons l'habitude de changer de posture ou d'éviter cette sensation désagréable, nous ne pourrons pas progresser. Observer tout ce qui se manifeste à l'intérieur de soi à chaque instant, c'est faire preuve de cet effort développé, l'effort courageux. Nous faisons un effort courageux pour comprendre la nature de cette sensation. Nous n'essayons pas de nous en débarrasser. Et c'est le principe même de Vipassana. Il ne s'agit donc pas d'essayer d'échapper à la souffrance, à cette sensation désagréable. Si nous faisons preuve d'un effort courageux, nous allons pouvoir observer Dukkha Vedana et commencer par comprendre sa caractéristique. La caractéristique de Dukkha Vedana, c'est un contact désagréable. C'est sa caractéristique. Lorsque Dukkha Vedana va devenir intense, nous serons très fatigués. Cela épuise d'observer Dukkha Vedana. C'est précisément la fonction de Dukkha Vedana. Si on observe attentivement cette sensation désagréable, on finira par comprendre cela, comprendre sa nature. Nous allons également comprendre la manifestation de Dukkha Vedana. Sa manifestation, c'est qu'elle amène une espèce de torture, une oppression. Nous aurons ainsi compris Dukkha Vedana. Celui qui observe Dukkha Vedana et qui la comprend va surmonter cette sensation désagréable, va surmonter la douleur. Au début, ceci n'est pas possible. Le méditant doit souvent changer de posture. Lorsque son effort sera devenu puissant, il va surmonter la douleur. Tout simplement parce que sa détermination est devenue très forte et qu'il a plus de courage. Tout ceci va se faire étape par étape, progressivement. Ce n'est que progressivement que ces facteurs de courage et de détermination vont se développer, et lorsqu'elles seront devenues fortes, le méditant va expérimenter le bonheur de façon ininterrompue. Il aura réussi à éliminer les impuretés mentales comme la torpeur, l'aversion, tout cela aura disparu de son esprit, il se sentira heureux, et ce bonheur qu'il expérimente à ce moment-là, c'est le véritable bonheur, un bonheur qui ne s'enracine pas dans les plaisirs sensuels comme c'est le cas en général. Ce yogi expérimente donc le bonheur du Dhamma, l'ennui disparaît tout à fait, il a l'esprit frais et alerte. Le méditant va ainsi prendre l'habitude de remporter des victoires sur la douleur. Son effort va se développer de plus en plus. Lorsqu'une sensation désagréable va se manifester, il est capable de la surmonter sans réagir. Par contre, s'il n'observe que superficiellement, il va automatiquement faire naître la sensation et après la sensation viendra le désir. Il va se mettre à avoir de la colère, de l'aversion pour cette sensation et de la dépression. Pour que les choses ne se passent pas ainsi, le méditant doit prendre l'habitude de se montrer courageux face aux sensations désagréables. Il doit fournir cet effort intense que le Bouddha a appelé atapa. S'il le fournit, les kilesas seront petit à petit éliminés de l'esprit, brûlés, desséchés. Et finalement, elles vont disparaître complètement, elles seront consumées de façon temporaire. Cet effort que le méditant va fournir est appelé atapa en pali. C'est l'effort qui amène le bonheur. Le méditant qui fournit cet effort va faire disparaître de son esprit toutes les kilesas, à commencer par la paresse et la torpeur. C'est le deuxième type d'effort que le méditant devra fournir au cours de son cheminement vipassana. Nekamadhatu, l'effort persistant, celui qui permet de se débarrasser de la paresse et de l'ennui. Un tel yogi a compris, par expérience, qu'il est possible d'endurer la sensation désagréable, de la supporter. Son esprit est dorénavant soutenu par cet effort qu'il a pris l'habitude de fournir. C'est comme une maison qui est branlante, on lui met du renfort. Un yogi qui est arrivé à fournir ce deuxième type d'effort, Nekamadhatu, l'effort persistant, va pouvoir poursuivre sa pratique de façon continue. Il ne rattrape plus aucun objet. Ceci aura pour conséquence que sa concentration et sa sagesse vont se manifester et devenir de plus en plus puissantes. C'est donc l'effort persistant, l'effort qui permet de se débarrasser de l'ennui et de la paresse, un tel yogi n'abandonnera pas facilement face aux difficultés. Il est donc nécessaire pour les yogis de comprendre ces trois types d'efforts qu'ils devront fournir au cours de leur cheminement. Le premier, c'est donc l'effort initial, l'effort du départ. Le deuxième, c'est l'effort persistant, celui dont il vient d'être question. Et si le méditant fournit cet effort persistant, il va atteindre le troisième type d'effort, l'effort culminant, et il sera toujours avec cet effort en lui, naturellement. Je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été dit précédemment à l'intention des nouveaux arrivés. En essence, ce que nous faisons ici, c'est essayer d'être attentif à tout ce qui se manifeste en nous. Nous devons essayer de toujours observer ce qui se manifeste. Il est dit, celui qui regarde, voit. Et que va-t-il voir? Que va-t-il regarder? Il va regarder tout ce qui se manifeste en lui à chaque instant. Tous ces objets n'en finissent pas d'apparaître à cause de conditions. Et elles sont la réalité. Prenons un exemple. Imaginons que nous serrions notre poing, mais que nous ne soyons pas attentifs au moment où nous serrons ce poing. Si nous ne sommes pas attentifs, nous ne verrons sans doute que la forme extérieure de cette main et la manière dont elle se ferme. Ces deux niveaux sont des niveaux assez grossiers, mais ce sont à ces deux niveaux qu'en général, lorsqu'il n'y a pas attention, les choses sont perçues. Le premier niveau, la forme, se dit en pali santana. Le deuxième, la manière, c'est akara. Mais ce n'est pas ce que nous essayons de développer ici. Ce n'est pas cette compréhension-là que nous recherchons. Nous recherchons la compréhension du méditant, la compréhension du yogi. Il faudra que nous réussissions à aller au-delà de cette forme et de cette manière. Vous tenez votre poing et puis vous observez attentivement cette fois tout ce qui se passe. Vous prenez conscience d'abord du désir de serrer le poing. Ce désir, c'est un phénomène mental. Et ce phénomène mental de l'intention ou du désir va se remanifester de façon répétée. Et en conséquence, elle va chaque fois amener un petit mouvement. Tout ceci va donc se produire en série. Vous allez ensuite expérimenter de la tension, de la dureté. Toutes ces sensations, c'est la réalité, ce qui existe vraiment au moment où vous serrez votre poing. Il y a donc d'abord le désir de serrer le poing, ensuite des sensations physiques qui sont donc les conséquences, les effets. Si vous serrez très fort le poing et que vous le maintenez très fort serré, tôt ou tard vous allez expérimenter une sensation d'inconfort. C'est également la réalité. Il y a donc d'abord l'intention de serrer le poing. Cette intention va devenir très claire, vous la verrez clairement, et ensuite les sensations comme la dureté, la pression. On voit donc que les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux apparaissent ensemble, par paire. Et tout ceci, c'est la réalité, c'est certain, vous l'avez expérimenté. Il y a donc cette intention, ce désir de serrer le poing, et ensuite toutes sortes de sensations physiques qui vont devenir apparentes, comme la dureté, la pression, etc. Il y aura aussi une sensation d'inconfort. Tout cela, c'est la véritable nature, c'est ce qui existe vraiment, en pali on dit « sabhava ». Au début, ce n'est pas possible d'expérimenter sabhava, tout simplement parce qu'on est au bout de la pratique et qu'on ne voit pas encore clairement ce qui se passe vraiment. On essaye, au début, de concentrer l'esprit et tout ceci exige un gros effort. C'est très difficile d'y arriver, mais c'est possible. Si on prend l'habitude d'affronter, de faire face à ces choses qui sont difficiles et d'essayer de les acquérir malgré tout, petit à petit, ces choses qui étaient difficiles à acquérir vont devenir faciles à acquérir. Tout ce qui a de la valeur coûte cher. Il n'est pas possible d'acquérir quelque chose qui a de la valeur à bon marché. C'est toujours difficile. Lorsqu'on pratique, on va petit à petit se purifier l'esprit. Notre esprit va devenir de plus en plus clair et pur. Nous serons capables, lorsque ce sera le cas, de faire la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux, entre nama et rupa. Nous serons capables de voir que ces choses sont reliées entre elles par un lien de causalité. Nous allons également expérimenter les caractéristiques de ces choses. Tout ceci est très précieux. Nous allons développer cette compréhension par étapes, progressivement. Finalement, nous expérimenterons le véritable bonheur, celui qui ne disparaît pas. Et tout cela est très précieux. Ce n'est que si nous réussissons à comprendre qu'on se rendra compte à quel point le Dhamma est précieux. Nous devons donc poursuivre notre effort. Celui qui décide d'entreprendre ce travail va progressivement se purifier l'esprit. Pour entreprendre ce travail, il faut cependant qu'au préalable, on ait compris quels étaient les bénéfices de cette pratique. En essence, le bénéfice de cette pratique, c'est la pureté de l'esprit. Il y en a certainement parmi vous qui ont déjà entendu quels étaient les bénéfices de la pratique de Vipassana. Il est très important de comprendre cela à un niveau théorique. Une autre façon de comprendre les bénéfices de la pratique, c'est tout simplement d'y réfléchir. On peut écouter des enseignements, lire des livres à ce sujet. On acquiert alors un type de connaissance qu'on appelle en pali Sutamayanjana. On peut également analyser ce que l'on a compris par la lecture ou l'enseignement, réfléchir à ces choses. Là, on acquiert un autre type de connaissance appelé Chintamayanjana. Même si nous avons développé ces deux premiers niveaux de compréhension, celle qui vient donc de l'étude et de l'analyse, nous n'avons encore toujours pas expérimenté la véritable nature des choses, nous ne les avons pas encore comprises. Pour comprendre la véritable nature des choses, il faut obligatoirement Bhavanamayanjana, qui est en fait la méditation. Dès que la compréhension qui s'enracine dans la pratique, dans l'expérience, Bhavanamayanjana sera présente, le méditant aura foi. Avec cette foi, il va comprendre dans quelle mesure le Dhamma est précieux. Et cette compréhension du caractère précieux du Dhamma va avoir pour conséquence qu'il désirera en obtenir les bénéfices. Mais ce désir d'obtenir les bénéfices qu'amène Vipassana doit être sincère et fort. Je voudrais terminer cette explication de Bhavanamayanjana, la connaissance expérimentale. Il faudra faire en sorte de ne pas laisser les doutes s'introduire constamment dans l'esprit. Lorsqu'on pratique, ce n'est pas bon de réfléchir à ce que l'on est susceptible d'expérimenter. On ne doit pas se poser des questions du genre « est-ce vrai ? Cette pratique est-elle la bonne ? » etc. Si on doute, ce sera un frein à la progression. Le seul devoir du yogi, c'est de faire l'effort d'établir son esprit sur le corps. Il doit faire en sorte que son esprit adhère aux objets qu'il observe. S'il fait simplement ce travail-là, les résultats vont se manifester automatiquement. C'est la même chose lorsque on fait des mathématiques. Si vous avez un problème de maths à résoudre, il faut d'abord que vous disposiez de la méthode, c'est-à-dire que vous sachiez faire des soustractions, des additions, que vous sachiez travailler avec précision. Si vous disposez de tout cela, la solution va se manifester tôt ou tard. Il n'est pas possible de solutionner un problème en mathématiques si on ne sait pas calculer. Il est impossible d'y arriver et dans ce contexte, il ne faut pas utiliser la calculette. Il faut y aller par soi-même. Essayez donc de trouver la réponse en appliquant la méthode correcte. Vous avez appris la méthode grâce aux enseignements sur le Dhamma. Vous la connaissez. Si vous la mettez en application, chaque pas que vous faites va vous rapprocher de votre but. Lorsque vous aurez atteint le but, vous aurez compris que la méthode que vous avez utilisée était la bonne. En mathématiques, si on veut résoudre un problème, il ne faudra pas sauter les étapes. Si on saute des étapes, nous aurons des difficultés. Et ici, pour le yogi, c'est la même chose. Il ne doit pas sauter les étapes. Il doit commencer par essayer d'établir son attention sur le corps et sur rien d'autre. Il doit faire cela de façon précise, attentive et continue. Il fournit l'effort ardent dont il vient d'être question. S'il fait tout cela, sati, l'attention, samadhi, la concentration et panya, la sagesse, vont tout naturellement apparaître dans son esprit. On peut donc dire que pour pratiquer la méditation, il faut s'inspirer de ce que l'on fait lorsqu'on résout des problèmes de mathématiques. Le but dans la vie humaine, c'est d'élever cette qualité de vie, devenir des êtres humains par excellence, de développer nos qualités de cœur, de développer notre connaissance. C'est la chose la plus importante à faire dans la vie. Celui qui veut réussir à élever sa vie, à obtenir cette vie véritablement humaine devra introduire en lui 5 qualités. La première, c'est la foi. La deuxième, c'est la santé. La troisième, c'est l'honnêteté. La quatrième, c'est l'effort ardent. Et la cinquième, c'est la capacité à voir les apparitions et disparitions des objets et à voir qu'ils sont reliés entre eux par un lien de causalité. Le yogi qui détient ces 5 qualités va fournir l'effort qui est nécessaire. Et grâce à cet effort, il va développer cette connaissance exceptionnelle. Donc la première de ces qualités, c'est la foi. Les personnes qui sont des bouddhistes traditionnels ont spontanément foi dans le Bouddha. C'est quelque chose de très naturel qui leur vient spontanément. Mais ils n'ont pas nécessairement compris que le Bouddha était doté de certaines qualités, comme par exemple la pureté. Leur foi ne s'enracine pas dans la compréhension des qualités du Bouddha. Une deuxième façon de faire confiance au Bouddha, c'est de le faire parce qu'on a compris ses qualités. C'est une foi qui est d'un niveau déjà supérieur au premier type de foi. Ceux qui ne font pas confiance facilement aux personnes, comme le Bouddha, peuvent avoir confiance dans le Dhamma, son enseignement. Dans les textes, il est mis que le Dhamma du Bouddha est bien exposé, Svakato. Ceux qui veulent sincèrement introduire le Dhamma en eux vont devoir pratiquer tout simplement ce que le Bouddha a enseigné et constater par eux-mêmes qu'effectivement le Dhamma est précieux. Tout ceci explique cette qualité Svakato, bien exposée. Les résultats qui vont se manifester sont directement proportionnels à la qualité de l'effort qu'on aura fourni, à la pratique. Une autre façon d'avoir la foi, c'est de simplement comprendre la loi du karma et de ses effets. Comprendre qu'un acte négatif amène un effet négatif, comprendre qu'un acte positif amène un effet positif. Cette foi donc dans la loi du karma est suffisante. En plus de la foi, il faudra disposer de la santé. Donc la deuxième qualité que le yogi doit avoir s'il veut mener sa pratique à son accomplissement, c'est la santé. Évidemment, on considère, selon Sayadaw Pandita, que personne actuellement ne pourrait dire qu'il est en bonne santé à 100%. Donc ici, dans ce contexte, Sayadaw explique que si vous êtes suffisamment sain pour pouvoir dormir et pouvoir digérer, vous pouvez considérer que vous détenez cette bonne santé. La troisième qualité, c'est l'honnêteté. Les êtres humains, bien sûr, ne sont pas parfaits. Ils ont tous un certain nombre de défauts. Cela varie selon chacun. Ici, il s'agira de faire en sorte que les autres n'apprennent pas leurs mauvaises actions. On appelle cela Maya en pali, c'est la ruse. Il faudra donc, au contraire, prendre l'habitude qu'on puisse admettre ses défauts. On se libère ainsi de Maya. Donc, une autre façon de ne pas être honnête, c'est de prétendre avoir des qualités qu'en réalité, on n'a pas. On le fait parce qu'on voudrait que les autres nous apprécient. Il faut essayer de se débarrasser de ces deux choses, la ruse d'une part et le fait de prétendre être ce que l'on n'est pas. Si on réussit à éliminer ces choses, on peut dire qu'on est honnête. Il est particulièrement important d'être honnête et de dire la vérité au moment de l'entretien avec le professeur. La foi, la santé et l'honnêteté sont des qualités que le méditant doit essayer d'introduire en lui de façon à ce que l'entretien avec le professeur se passe dans les meilleures conditions. Un méditant qui donc se montre honnête au moment de l'entretien pourra être facilement guidé par le professeur. Plus il est honnête, plus c'est facile pour le professeur. Mais s'il ne se montre pas très honnête, cela deviendra difficile pour le professeur de le guider. Le méditant doit donc parler au moment de l'entretien, écouter les enseignements et pratiquer avec ces trois qualités, la foi, la santé et l'honnêteté. Donc celui qui veut réussir à expérimenter le Dhamma spécial dans cette vie même devra faire preuve d'un effort ardent. Il devra pratiquer en fournissant constamment cet effort ardent. Au début, ceci est très difficile. Il devra constamment s'encourager lui-même et se dire « je veux le faire ». Donc c'est à chaque instant que le méditant devra faire l'effort d'observer tout ce qui se manifeste. C'est son seul devoir, observer tout ce qui se manifeste à chaque instant à l'intérieur de lui. Il va ainsi réussir à purifier son esprit. Dès que son esprit sera devenu pur, il sera en mesure de faire la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Il verra les causes et les effets. Il verra que tous ces phénomènes qui sont reliés entre eux par un lien de causalité n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. Le méditant qui a réussi à expérimenter tout cela va se sentir très satisfait de sa pratique. Il va expérimenter piti, la joie, et sukha, le bonheur. Mais si c'est le cas, qu'il expérimente ces choses, il doit les noter. Donc le méditant a réussi à voir les causes et les effets, il a réussi à voir les apparitions et disparitions des phénomènes, il expérimente pitié et la joie, sukha le bonheur. Mais il est très important qu'il sache qu'à ce stade, il doit noter cette joie et ce bonheur, parce que ce sont des choses qui pourraient être dangereuses pour sa pratique. Il doit savoir qu'il expérimentera des choses encore plus intéressantes par la suite et qu'il ne doit pas s'attacher à cette pitié et à cette sukha. Ce méditant a donc réussi à voir les apparitions et disparitions des phénomènes, ce qui est la cinquième qualité. Il faut donc essayer d'introduire en soi ces cinq qualités. Le méditant qui a réussi à les introduire en lui va poursuivre sa pratique et il réussira à l'amener à son accomplissement, c'est certain. Le Bouddha a aussi expliqué comment il faut procéder pour développer l'esprit, de façon à ce qu'il puisse voir les apparitions et disparitions des phénomènes. Mais je n'aurai pas le temps de parler de cela, ce sera pour une prochaine fois. So the Buddha talked about how to make our minds powerful enough to be able to see what is really in our beings and to see it, how it arises and passes away. But I do not have time to talk about this tonight since I'm already well over time. So it will have to be a topic for another day. That's all for today. Sadhu, sadhu, sadhu.